Section 25. Chapitre 25. Sa fête, c'est ma fête. Ce mot de M. de La Hérodière, en parlant de sa fille et de la Sainte Charlotte, était d'une parfaite justesse. En effet, depuis la naissance de sa fille, c'était chez lui une religieuse habitude de célébrer la fête de celle-ci avec tout l'éclat qu'il pouvait apporter à cette cérémonie. Pendant longtemps, c'est-à-dire pendant l'existence de Madame de La Hérodière, il avait néanmoins été obligé de se tenir enfermé dans une certaine réserve, car à cette époque, il n'était pas tout à fait maître chez lui, et à vrai dire même, il n'avait pas la clé de la caisse. Il n'avait guère à sa disposition que son argent de poche destiné à ses achats de livres. Aussi, 3 ou 4 mois à l'avance, faisait-il des économies afin de pouvoir acheter le cadeau qu'il destinait à sa fille. En femme pratique et positive qu'elle était, Madame de La Hérodière regardait ses célébrations de fête comme une sottise coûteuse, et au lieu de s'associer à son mari, elle le contrariait autant qu'elle pouvait. « À quoi bon ces cérémonies ? » disait-elle. « Tout cela n'a d'autre résultat que de donner aux enfants des habitudes de prince. Ils veulent qu'on les prenne au sérieux et se considèrent comme des personnages auxquels on doit tout. » Sans répliquer, ce qui n'était point dans son caractère, et ce qui n'eût pas d'ailleurs produit un très bon effet auprès de sa femme, M. de La Hérodière avait toujours continué à fêter Sainte-Charlotte, sinon, comme il l'eût désiré, au moins comme il l'avait pu. Une année avec un jouet, plus tard avec un livre à images, plus tard encore avec un bijou de peu de valeur. Mais lorsque, par la mort de sa femme, il avait recouvré l'usage de la volonté, il s'était largement rattrapé de la médiocrité à laquelle il avait été condamné, et la fête de Charlotte était devenue une véritable cérémonie, pour lui la plus importante de l'année. En ces derniers temps, Georges avait aussi participé à cette fête, non par sa présence, car il était obligé de rentrer le 1er novembre à Paris, mais par un souvenir qu'il envoyait et qu'il accompagnait toujours d'une lettre adressée à Charlotte personnellement. Il est facile de comprendre combien, dans ces conditions, M. de La Hérodière désirait vivement que Charlotte eût quitté son lit le 4 novembre. Pour lui, c'était un présage, car chez nous tous, tant que nous sommes, il y a toujours un coin où la superstition reste vivace. La date était fatidique. Si Charlotte était encore au lit le jour de sa fête, elle ne guérirait pas. Lorsqu'il la vit levée, il oublia les angoisses des longues semaines qui venaient de s'écouler si lentement. Il ne considéra plus la guérison que comme une affaire de temps. Maintenant, le médecin passait au second rang et c'était à lui de prendre le premier. Le corps était sauvé, c'était sur le cœur qu'il fallait désormais agir, et avec l'aide de Narbanton, il espérait bien être aussi heureux que l'avait été le médecin. Pourquoi ne le serait-il pas, d'ailleurs? Depuis qu'elle avait recouvré sa connaissance et qu'elle parlait, elle n'avait pas une seule fois prononcé le nom de Georges, ni même fait allusion à son absence. Si la secousse que le docteur Kerfous attendait se produisait, on pourrait aussitôt entreprendre la curation morale, et en procédant doucement, délicatement, avec d'habiles ménagements, il réussirait. Pour amener cette secousse, M. de La Hérodière comptait sur une surprise préparée par lui depuis son dernier voyage à Paris. Un petit bureau en bois de rose qui devait remplacer la table sur laquelle Charlotte écrivait. Il avait commandé ce bureau d'après le goût de sa fille, et il espérait qu'en voyant ses désirs réalisés, elle éprouverait un moment de joie. Il fallait donc que Charlotte quittât sa chambre pendant quelques instants, et en son absence, on mettrait en place le bureau qui était arrivé depuis plusieurs jours. Quand M. de La Hérodière lui adressa cette proposition, elle répondit avec indifférence, comme elle répondait à tout, d'ailleurs. « On va te rouler sur un fauteuil dans ma chambre, » dit M. de La Hérodière, « et pendant ce temps-là, on nettoiera la tienne et on la ventilera. Il y a si longtemps qu'elle est fermée. » »« Comme tu voudras. » Et elle se laissa rouler dans la chambre de son père. Le seul désir qu'elle manifesta fut qu'on la plaçât devant la fenêtre ouverte. Il faisait une belle journée qui semblait s'être levée à souhait pour le repos d'une âme malade, pas de vagues sur la mer tranquille, pas de vent qui ébranla les nerfs, pas de lumière trop vive qui éblouit les yeux, partout sur les eaux, dans l'air, sur la terre, le calme et la douceur de l'automne. Étendue devant la fenêtre, Charlotte resta là sans parler, les yeux perdus dans les profondeurs de l'horizon vaporeux. Alors, faisant un signe à la sœur, M. de La Hérodière sortit de la chambre et tira la porte sur lui. Si Charlotte avait prêté attention à ce qui se passait autour d'elle, elle aurait assurément entendu le tapage qui se faisait dans sa chambre. Et au piétinement des pieds, elle eût compris que Barbe, seule, si empressée qu'elle pût être, ne pouvait pas faire tout ce bruit. Mais elle n'entendit rien, ou tout au moins elle ne laissa pas paraître sur son visage un signe quelconque qui vint dire qu'elle avait remarqué ce bruit. Au bout d'une heure à peu près, M. de la Hérodière reparut et lui proposa de rentrer dans sa chambre. « Comme tu voudras, » dit-elle. Si elle avait levé les yeux sur son père, elle aurait vu qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Car dans les mouvements de M. de la Hérodière, il y avait une vivacité et dans son regard une gaieté qui depuis longtemps ne lui était plus habituelle. Mais de même qu'elle n'avait pas entendu le bruit qui se faisait dans sa chambre, de même elle ne remarqua pas l'air affairé de son père. « Je voudrais bien ne pas encore me coucher, » dit-elle, lorsqu'on l'eut ramenée dans sa chambre. « Mais, mon enfant, il n'est pas question de te mettre au lit. Ce n'est pas pour cela que je t'ai fait revenir ici. » M. de la Hérodière était placé devant elle. En disant ces derniers mots, qu'il souligna, il s'effaça vivement. « Ce n'est pas pour cela, » répéta-t-il en accentuant encore ses paroles. « C'est pour autre chose. » Charlotte ne bougea pas. « Tu ne devines pas pourquoi ?»« Devinez, je n'ai pas la tête à chercher. »« Non, mais tu as des yeux pour voir. » « Lève-les et regarde devant toi. » Elle regarda dans la direction que la main de son père lui indiquait. Contre la muraille se trouvait un petit bureau en bois de rose. Il était grand ouvert, et sur la tablette supérieure était posé un vase en vieux sèvres, plein de roses de Bengale. « Ah !» dit-elle, « le bureau dont j'avais tant envie, autrefois. Et maintenant, tu n'en as donc plus envie ?»« Ah ! Maintenant !» dit-elle en secouant la tête. Mais aussitôt elle se reprit, et tendant la main à son père, « Quelle surprise tu me fais !» dit-elle, « et je te remercie bien sincèrement. Tu ne t'attendais donc pas un peu à ma surprise ?»« Pourquoi ?»« Mais parce que c'est ta fête, que je te souhaite. »« Ma fête, aujourd'hui ? Nous sommes donc au mois de novembre, le 4. Comme j'ai été longtemps malade, il me semble cependant que c'est il y a quelques jours seulement. »« Mon enfant, que nous avons été à La Roche-Bernard, il y a plus d'un mois. » Voilà donc pourquoi les arbres ont si peu de feuilles. En les regardant tout à l'heure, je me disais que tout avait vieilli autour de moi. Et je ne devinais pas. Le 4. Ainsi c'est le 4. C'est ta fête, ma petite Charlotte. Je voudrais voir le bureau de tout près. On la roula jusqu'au bureau, et pendant quelques minutes, elle l'examina, mais tout en ouvrant les tiroirs, elle semblait avoir l'esprit à autre chose qu'à ce qu'elle faisait. Mais, puisque nous sommes le 4, dit-elle, en se tournant vers son père, il a dû se passer bien des choses depuis que je suis au lit. Raconte-moi tout cela. Je puis t'écouter maintenant. » Elle hésita un moment, puis baissant les yeux, elle continua. « S'il est venu des lettres, tu peux me les donner. Je suis assez forte pour les lire. » Monsieur de la Hérodière comprit bien ce qui se cachait sous cette demande. Une lettre, c'était de Georges qu'elle l'attendait, comme tous les ans. « Non, mon enfant, » dit-il vivement, « il n'est pas venu de lettres pour toi. » Mais nous avons mieux à faire qu'à lire des lettres en ce moment ou à raconter des histoires. Si j'ai voulu être le premier à te souhaiter ta fête, je ne suis pas le seul. « Ah non ? » dit-elle vivement. « Personne. » « Pas même les enfants de Barbe. Ils sont ici depuis ce matin pour t'apporter leur bouquet, comme tous les ans. Ordinairement, tu avais plaisir à t'occuper d'eux et tu ne savais qu'inventer pour leur venir en aide. « Mais cette année, je n'ai rien pu préparer et je ne trouve rien à leur offrir. » « Donne-leur une caresse, dis-leur une parole affectueuse, et ils t'aiment assez pour en être heureux. Qu'ils montent les pauvres petits. » On entendit un bruit de pas dans l'escalier, et presque aussitôt, les enfants de Barbe entrèrent à la queue leu-leu. En tête venaient les trois garçons. Puis, pour fermer la marche, arrivait la petite fille qui était la dernière née. Ils portaient tous une rose à la main. En apercevant, pâle et maigri, dans son fauteuil, celle qu'ils se rappelaient avoir vue, fraîche et forte, ils s'arrêtèrent et leur stupéfaction se lut dans leurs attitudes. « Je leur fais peur, » dit Charlotte. « Oh non, mademoiselle, » répondit la petite fille qui avait la langue bien pendue. « Mais ça nous fait deuil de vous voir malade. » Cette réponse émut Charlotte et une larme lui monta aux yeux pendant que les enfants l'embrassaient. « Comme tu es belle !» dit-elle en regardant la petite fille qui se rengorgeait dans sa robe en drap bleu de Montauban. « Et tes frères aussi sont beaux. Vous êtes tous de neuf habillés, il me semble. des vestes en drap. « Oh oui !» dit l'aîné des garçons, « et nous avons aussi des souliers. »« C'est toi, père ?» dit Charlotte en remerciant M. de la Hérodière par un sourire attendri. « Non, mon enfant, cette bonne idée de s'occuper de tes protégés quand tu ne pouvais pas le faire ne m'appartient pas. Elle est venue à l'un de nos amis. » « Un de nos amis ? » dit-elle vivement. « Oui, Narbanton. »« Ah, mais M. Narbanton est donc encore en Bretagne ?»« Il n'a pas voulu partir. Il s'est établi à Sarzeau. Il est venu régulièrement 3 fois par jour pour prendre de tes nouvelles. Au déjeuner, au dîner, par sa conversation, il tâchait de me distraire. Je puis dire qu'il m'a soutenue. » La petite s'était penchée par la fenêtre. « Voici M. Narbanton qui arrive !» dit-elle. « Eh bien, appelle-le !» dit Charlotte. Bientôt un coup discret résonna à la porte de la chambre. « Entrez, mon ami, » dit monsieur de la Hérodière en allant ouvrir. « Ma fille veut vous voir. » Emmanuel entra. « Je veux vous remercier, » dit Charlotte, « et vous dire combien j'ai été touchée de votre bonté pour ces enfants. » « Je ne savais si je pourrais vous souhaiter votre fête. J'ai voulu la souhaiter à ceux que vous aimez. » « Je vous remercie, et de tout cœur, je vous remercie encore de ce que vous avez fait pour mon père. » Elle lui tendit la main. Fin de la section 25.